À l'occasion du 20e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti Travail de Corée, des 62 ans du Parti Travail de Corée, les floralies de Kim Jong-il, fleurs d'honneur, sont ouvertes le 10 octobre dans la province de Dalwan Hall, Mongolie. Dans la salle de cérémonie d'ouverture étaient exposées les photos qui présentent la vie sublime et les exploits du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il, les photos des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. Par ailleurs, y étaient exhibées plusieurs centaines de Kim Jong-il, les œuvres classiques des grands hommes et les livres montrant la fière réalité coréenne. Y ont pris part les personnalités de diverses unités et les habitants de Mongolie, l'ambassadeur coréen dans ce pays et ses collaborateurs, ainsi que les cadres coréens intéressés. Il y a eu les interventions. Ensuite, les participants ont assisté à la représentation artistique.